Examen critique, sous le point de vue catholique, du voyage en Orient de Monsieur de Lamartine. Annales de philosophie chrétienne numéro 60 du 30 juin 1835. Christianisme philosophique ou déisme de Monsieur de Lamartine. Pour bien faire comprendre quelles sont les modifications que le christianisme doit subir, d'après Monsieur de Lamartine, nous allons citer un peu au long les différents passages où il a formulé ça et là ses espérances et ses pensées. Nous donnerons ces citations textuellement et sans crainte, car ils n'ont pas besoin de se fermer les oreilles, pour résister au chant des sirènes humaines, tous ceux, ô mon Dieu, qui ont une fois bien entendu le son de votre voix, qui, sortant du sein de l'éternité, s'adressa à l'homme des premiers temps, et porté par la tradition et la parole, est arrivé jusqu'à nous, conservé et enseigné par votre Église. Ce ne sera qu'après ces citations, que nous répondrons à la grande question, celle de l'autorité de la raison humaine pour la destruction ou l'édification d'une religion. Nous avons déjà fait remarquer comment Monsieur de Lamartine se trompe en regardant le christianisme comme une religion nouvelle. Après avoir dit que la religion de la raison commence seulement à Socrate et à Platon, il continue. Puis, vient le christianisme, qui avait reçu de son divin fondateur le mot et la clé de la destinée humaine. Les âges de barbarie qu'il lui fallut traverser pour arriver à nous, l'ont souvent altéré et défiguré, mais s'il était tombé sur des Platons et des Pythagores, où ne serions-nous pas arrivés? Nous arriverons, grâce à lui, par lui et avec lui, tome 1 page 139. Cette dernière phrase pourrait porter à croire que c'est dans le cercle du christianisme de l'Église, que Monsieur de Lamartine veut marcher et progresser. Nous le voudrions, mais cela nous paraît difficile à concilier avec d'autres passages. En effet, Monsieur de Lamartine distingue deux sortes de christianisme, ce qu'il appelle la lettre du christianisme, les dogmes de sa mère, et le christianisme philosophique et selon l'esprit, tome 2 page 191. Et il est difficile de ne pas convenir que c'est de ce dernier christianisme qu'il parle ordinairement. En effet, les plus simples pratiques de l'Église catholique, il ne sait pas les comprendre. On croirait entendre un protestant du XVIe siècle, ou un philosophe du XVIIIe. C'est ce que l'on ne peut s'empêcher de reconnaître dans les réflexions qu'il fait lors de sa visite à la grotte de Bethléem. Il y rencontre quelques figures de cuivre représentant plusieurs des circonstances de la passion de Jésus. Un catholique aurait facilement saisi le sens symbolique de ces figures, et l'aurait pardonné pour ce grand nombre d'hommes simples, d'enfants et de femmes, qui aiment à aider leurs croyances par la représentation de quelque chose de sensible. Cette question a été 100 fois traitée, éclairci et résolu par l'Église, dans le sens le plus raisonnable et le plus philosophique, en réponse aux iconoclastes et aux protestants. Mais Monsieur de Lamartine voudrait, remarquez bien ceci, il voudrait qu'on laissât les regards mouillés de larmes monter librement et sans image sensible, vers la pensée dont cette nuit est pleine. C'est à cause de cet oubli, qu'il profère les étranges paroles que nous allons transcrire. Il faut que les hommes gâtent un peu tout ce qu'ils touchent, hélas, s'il avait altéré et gâté seulement les pierres et les ruines de ces scènes visibles. Mais, que n'ont-ils pas fait des dogmes, des doctrines, des exemples de cette religion de raison, de simplicité, d'amour et d'humilité, que le Fils de l'homme leur avait enseigné au prix de son sang. Quand Dieu permet qu'une vérité tombe sur la terre, les hommes commencent par maudire et par lapider celui qui la porte. Puis ils s'emparent de cette vérité qu'ils n'ont pu tuer avec lui, Parce qu'elle est immortelle, c'est sa dépouille, c'est leur héritage. Mais, comme la pierre précieuse que les malfaiteurs enlèvent aux pèlerins célestes, ils l'enchâssent dans tant d'erreurs, qu'elle devient méconnaissable, jusqu'à ce que le jour brille de nouveau sur elle, et que ses parents, après des siècles, le diamant de son entourage, la sagesse dise « Voilà le vrai, voilà le faux. Ceci est la vérité, ceci est l'erreur. » Voilà pourquoi toutes les religions de nature, dont l'association étonne les esprits, une nature populaire, miracle, légende, superstition honteuse, alliage impur dont les siècles d'ignorance et de ténèbres mêlent éternissent la pensée du ciel, une nature rationnelle et philosophique, que l'on découvre éclatante et immuable, en effaçant de la main la rouille humaine, et qui, présentée au jour éternel et incorruptible, qui est la raison, la réfléchit pure et entière, et éclaire toute chose et toute intelligence de cette lumière de vérité et d'amour, au fond de laquelle on voit et l'on aime l'être évident, Dieu. Tome 2, page 247. Ainsi le christianisme est une religion de raison, dont les dogmes et les doctrines ont été gâtés. On y a mêlé tant d'erreurs qu'il en est méconnaissable. Il n'y a qu'un moyen bien simple de remédier à cette profanation, à ce mélange d'erreurs et de vérités. C'est d'en confier le discernement à la sagesse et à la raison. Une seule difficulté reste, difficulté banale et qui n'est qu'une bagatelle sans doute aux yeux de Monsieur de Lamartine, celle de savoir quelle est la sagesse ou quelle est la raison qui doit être chargée de ce soin, et à laquelle les autres hommes doivent obéissance. On le voit, ce n'est rien moins que toute la question sociale et religieuse de l'époque, que Monsieur de Lamartine laisse sans même l'aborder. En effet, il continue à dire, « Rien n'est impénétrable au jour progressif de la raison, cette révélation graduelle et incessante de l'humanité. Chaque siècle lève un coin du voile qui cache la grande image du Dieu des dieux, et le découvre derrière tous les symboles qui s'évanouissent, seul, éternel, évident dans la nature, et rendant ses oracles dans la conscience. » Tome 3, page 109. Que si, à force d'entendre prononcer le mot raison, quelques philosophes logiciens croyaient qu'il s'agit ici d'une religion de raisonnement, telle qu'ils s'en sont fait une, peut-être, certes, ils se tromperaient étrangement. Car Monsieur de Lamartine viendrait leur dire en termes express, que les religions ne se prouvent pas, ne se démontrent pas, ne s'établissent pas, ne se ruine pas par de la logique, que toute dispute est inutile en religion, parce que les religions sont d'instinct, et non de raisonnement, tome 2, page 43. Les choses étant ainsi, on sent qu'il n'est plus moyen de raisonner avec Monsieur de Lamartine, et qu'il n'y a plus qu'à attendre qu'il nous révèle sa religion d'instinct. On pourrait croire qu'en lui supposant le projet de faire une religion lui-même, nous voulons nous égayer sur son compte. Mais qu'on nous donne alors l'interprétation des paroles suivantes, prononcées après une prière qu'il fit au pied du Saint-Sépulcre. « Ma prière fut ardente et forte, dit-il. Je demandais de la vérité et du courage devant le tombeau de celui qui jeta le plus de vérité dans le monde, et mourut avec le plus de dévouement à cette vérité dont Dieu l'avait fait le Verbe. Je me souviendrai à jamais des paroles que je murmurais dans cette heure de crise pour la vie morale. Peut-être fus-je exaucé. Une grande lumière de raison et de conviction se répandit dans mon intelligence, et sépara plus clairement le jour des ténèbres, l'erreur de la vérité. On ne saurait dire plus clairement que Monsieur de Lamartine sera cette sagesse et cette raison dont il parlait naguère, et qui devait discerner le jour des ténèbres,

Monsieur de Lamartine reprend, les doctrines se connaissent à leur morale, comme l'arbre se connaît à ses fruits. Les fruits du christianisme, je parle de ses fruits à venir plus encore que de ses fruits déjà cueillis et corrompus, sont infinis, parfaits et divins. Donc la doctrine elle-même est divine. Donc l'auteur est un verbe divin, comme il se nomme lui-même. Note. C'est encore ici une citation inexacte de l'Écriture. Le Christ ne s'est jamais donné le nom de verbe, et Saint Jean qui lui donne ce nom ne l'appelle pas un verbe divin, ce qui donnerait à entendre qu'il en existe plusieurs. Mais il l'appelle le Verbe, Fils unique de Dieu. Saint Jean, 1, 5, 1, 14 et 18. Voilà pourquoi je suis chrétien, dit Monsieur de Lamartine, voilà toute ma controverse religieuse avec moi-même. Avec les autres, je n'en ai point. On ne prouve à l'homme que ce qu'il croit déjà. Note. Pour bien conclure, Monsieur de Lamartine devait dire « Donc la doctrine sera divine, donc l'auteur sera, etc. » Car comment dire que des fruits à venir sont parfaits, etc. Mais nous l'avons dit, il ne faut pas chercher ici de la logique. Quoi qu'il en soit, nous protestons contre cette manière d'être chrétien. Nous sommes les disciples du Christ présent et passé, non moins que du Christ à venir. Comme saint Paul, nous disons que le Christ est hier et aujourd'hui, lui-même sera aussi à jamais. Aux Hébreux, 13, 8. Nous ne pouvons encore nous empêcher de mettre une note d'ignorance sur ces fruits passés, et présents sans doute, du christianisme, que l'on dit corrompu. Les philosophes, les historiens sceptiques de notre époque, et les saint-simoniens même, ont rendu plus de justice à l'influence passée du christianisme sur la civilisation. C'est lui qui a fait tout ce que nous sommes, et même cette raison dont Monsieur de Lamartine se glorifie tant, mais tout cela est inconnu au poète. Mais enfin, reprit-elle, trouvez-vous donc le monde social, politique et religieux, bien ordonné? Et ne sentez-vous pas ce que tout le monde sent, le besoin, la nécessité d'un révélateur, d'un rédempteur, du Messie que nous attendons, et que nous voyons déjà dans nos désirs? Oh, pour cela, lui dis-je, c'est une autre question. Nul plus que moi ne souffre et ne gémit du gémissement universel de la nature, des hommes et des sociétés. Nul ne confesse plus haut les énormes abus sociaux, politiques et religieux. Nul ne désire et n'espère davantage un réparateur à ces maux intolérables de l'humanité. Nul n'est plus convaincu que ce réparateur ne peut être que divin. Si vous appelez cela attendre un Messie, je l'attends comme vous, et plus que vous je soupire après sa prochaine apparition. Je crois que Dieu se montre toujours au moment précis où tout ce qui est humain est insuffisant, où l'homme confesse qu'il ne peut rien par lui-même. Le monde en est là. Je crois donc à un Messie voisin de notre époque, mais dans ce Messie, je ne vois point le Christ, qui n'a rien de plus à nous donner en sagesse, en vertu et en vérité. Je vois celui que le Christ a annoncé devoir venir après lui. Note. On sait le cas qu'il faut faire de cette citation de Lady Stanhope. Réflexion affligeante. Ainsi Monsieur de Lamartine croit à un Messie à venir, sur la foi d'un texte faux, cité par une femme qui professe ouvertement l'astrologie. Et c'est sur cette autorité qu'il abandonne l'interprétation des saints pères et de l'Église. Cet Esprit Saint, poursuit Monsieur de Lamartine, toujours agissant, toujours assistant l'homme, toujours lui révélant,

une cavité si large et si profonde, et imitant si bien la forme d'une selle turque, qu'on pouvait dire avec vérité qu'elle était née toute scellée, et, aux étriers près, on pouvait en effet la monter sans éprouver le besoin d'une selle artificielle. Cette jument, magnifique du reste, semblait accoutumée à l'admiration et au respect que Lady Stanhope et ses esclaves lui témoignent, et pressentir la dignité de sa future mission. Jamais personne ne l'a montée, et deux palefreniers arabes la soignent et la surveillent constamment, sans la perdre un seul instant de vue. Une autre jument blanche, et à mon avis infiniment plus belle, partage, avec la jument du Messie, le respect et les soins de Lady Stanhope. Nul ne l'a montée non plus. Lady Esther ne me dit pas, mais me laissa entendre que, quoique la destinée de la jument blanche fût moins sainte, elle en avait une cependant mystérieuse et importante aussi. Et je crus comprendre que Lady Stanhope la réservait pour la monter elle-même, le jour où elle ferait son entrée, à côté du Messie, dans la Jérusalem reconquise, tome 1 page 267. Nous n'aurions pas cité cette dernière partie du récit de Lady Stanhope, si Monsieur de Lamartine, en portant un jugement sur cette femme, et après cette foule d'absurdités, n'avait dit avec beaucoup de courage « Non, cette femme n'est pas folle », tome 1 page 263. Libre à lui de le croire, si l'instinct de sa raison le lui dit ainsi. Mais nous qui avons un autre guide, nous qui ne pouvons nous empêcher de déplorer que Monsieur de Lamartine ait cru utile de nous faire ses confidences. Nous n'oserions pas même dire qu'elle n'ait pas fait une profonde impression sur son esprit. Il nous semble, en effet, retrouver quelques-unes de ses pensées sur le christianisme présent et sur le christianisme à venir, dans les considérations qu'il émet à propos du saint-simonisme. Suivant lui, le saint-simonisme consistait en l'application du christianisme à la société politique. S'il avait eu un chef, un maître, un régulateur, un but, un esprit, il aurait eu invinciblement la victoire. Puis, prenant le rôle de prophète, il continue. Cela sera repris en sous-œuvre avant les grandes révolutions. On voit des signes sur la terre et dans le ciel. Les Saint-Simoniens ont été un de ces signes. Ils se dissoudront comme corps, et feront plus tard, comme individus, des chefs et des soldats de l'armée nouvelle. Tome 3 page 235. Après ces citations, on doit connaître clairement la pensée de Monsieur de Lamartine sur la religion nouvelle. Il la résume lui-même en ces termes. La raison veut se reposer en religion, Dieu un est parfait pour dogme, la morale éternelle pour symbole, l'adoration et la charité pour culte. Tome 3 page 261. C'est, nous le répétons encore, le déisme des livres et des penseurs philosophiques du XVIIIe siècle. Rien de plus, rien de moins que ce que nous y avons lu. Ces principes ont été 100 fois réfutés. Cependant la question, étant reproduite par un écrivain du XIXe siècle, et offerte à cette vieille jeunesse de notre époque, qui en sait plus que ses pères, en religion, mérite une réponse qui se trouve dans la plupart des jeunes esprits, et que nous allons essayer de résumer en peu de mots. Dans le chapitre suivant, considération sur le déisme et sur les faiseurs de religion nouvelle. Markemdanarchive.org, 2018, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.